Après elle, terre isolée, île et dorure. L'absence, la brutalité du souvenir m'a surpris un dimanche, un peu après. Comment te sens-tu cette semaine? J'étais embarrassé par le hasard dans lequel je projetais mes mots, ceux qui suivent. Il n'y a pas de raison à l'appétit d'un solitaire comme moi, et mes larmes retenues, ma satiété, mon ennui les dimanches. Comment te sens-tu? Laissez entrer les rats jusqu'à la mémoire. La clarté. Cela avant de me disperser dans une nuit quelconque. Il me faut y trouver maintenant une écriture, une autre vie, cela sans raison ni volonté. Cette ville ne doit rien reconnaître de ce que je suis. Ma rage de les savoir s'amuser à la chair comme au tric-trac, et la certitude qu'une personne non loin de là se prépare à sa fin, sourde et aveugle encore des signes avant-coureurs. À se dénuder, ne rien demander, marcher, disparaître en marchant. Je comprends. Je pose la nécessité d'une patience, d'une retenue. Écrire, respirer, boire. Surtout ne pas communiquer. Je peux aller aux extrémités de ma liberté sans y disparaître. Je crois avoir entrevu cette nouvelle solitude bien avant elle. Et combien d'heures, d'années à se deviner, à devenir. La plupart du temps, cette marche des choses se fait en l'absence de volonté. J'étais devenu un autre. Un jour. Fébrile de ces mots-là, je voulais marquer une inconnue par mon amour, ou n'être que son objet. Me rejeter hors de moi, ne pas aimer, des centres-villes jusqu'à ma mémoire, ce qu'il advient de moi, comme une nuée. Et après toi, je me souviens, après toi, après tout ce qui avait été fait pour m'accueillir. Hier soir, le visage d'un monstre sur lequel on ne s'attarde pas. Photo du ciel par-dessus les constructions en face de chez moi. Je ne fouille pas vraiment mon passé, mais qu'écrire. Qu'écrire de nouveau, avec un souffle, comme un devenir. Ne plus fuir, enfreindre peut-être. La première à avoir le goût des masques, à me le proposer. Elle pose le rouge sur mes lèvres, mon visage de 22 ans, en soirée. J'ai aimé sans malice l'image que le miroir me renvoyait. Je me souviens encore de cette innocence. Et je ne dirai pas, et je ne dirai plus que tu es une autre. Ne sois pas trop enthousiaste avant d'écrire. Garde cela pour aimer. Fatigue-toi aussi et surtout patiente. Patiente. Il parlait de moi et d'autre chose, sans doute. Un retour à la vie? Peut-être. Mes larmes. Sachant à nouveau la ville, je me réjouissais de leur sourire et de leur tranquillité. Après une longue liste de morts, la barbarie du monde est une partie de cartes. Cela ne s'est notiré ni un sourire, ni une larme. Ce qui me semble, dit-il, c'est que la nuit les fera taire tous. Je n'ai que cette ville ennuyeuse à détailler, encore quelques passants, et le jour. Après que l'émeute eut cessé, une jeune fille brune rentra chez elle, sans savoir qu'une colère avait eu lieu. Elle ne fut pas surprise d'être aimée pour sa belle chevelure. Un jeune homme sauvage, et identique à un autre doux et maniéré, ne devant jamais se rencontrer, vieille légende allemande. Les plus belles fins sont anglaises, et tout le reste est silence. Les plus belles fins sont irlandaises. Oui, je veux bien, oui. La nuit. Je savais bien l'époque et ses soubresauts. Ce fut un rire, et cela a donné des demeures. Avec la plastique aiguisée des anciens amants, la place fut prise, encore une fois tomba à genoux, rendit l'âme dans la nuit. Des noctambules à deux pas. Comme je comprenais le vertige de nos pères aujourd'hui. J'avais la vie en double le long des rues. À nouveau, je te devais une supplique, et parce que tu m'aimais, elle fut refusée. C'est ancien, les frères, on les ignore presque. Je ne demandais aucune explication à ma personne, ne lui posais aucune question. Notre époque avait la manie des clartés outrancières. Cela brûle sur mes lèvres, ne rien dire, écriture des marges et non pas poème, le silence passé, les minutes résonnaient en tombant. Je devais noter sa beauté et devenir une archive maladroite que l'on cognerait un sourire entendu dans les soirées. Après elle, après avoir revu des photos d'elle. Mon visage brûle, ma mémoire brûle, elle aussi. Écouter des silences, les peupler de peu de choses, s'alcooliser. C'est la grande obscurité dans l'homme, le jour est une exception. Après elle, vers l'exil, la frontière, la naissance. Je suis quelque part, là, dans ma nuit. C'est normal que des choses anciennes, des choses d'avant toi, d'avant moi, nous peuplent. C'est le signe de notre mortalité. Avant que nous ne sachions parler, mais pas dans le rêve. J'aimerais croire que ce qui suit après elle, nuit, identité sous la lampe, que tout cela s'endort, que tout cela n'existe pas. Un silence, un grand silence que l'on essaie de noter, de vivre jusqu'au bout. J'ai remarqué sa poigne terrible. Elle pouvait me contraindre, me briser.